soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, le tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce lundi 20 janvier 2025, bienvenue sur le 895 de Dio d'une part, bienvenue dans ce programme des mots des sons sensibles, programme d'actualité politique, sociale et culturelle. Premier jour de cette semaine, voilà un nouveau rendez-vous d'actualité avec un sujet principal aujourd'hui à l'ordre du jour. Nous recevons alors en équipe renforcée ici en studio les équipes d'Alarmphone. Alarmphone, une ONG, réseau transnational, une ligne téléphonique tenue par des volontaires. Et précisément, eh bien, ce sont là des volontaires à la fois locaux et internationaux qui sont présents avec nous. Bonjour à vous, on reçoit ici au plateau Paulin, Alice, Valet, Mathéo et Babacar qui est avec nous. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Non, bonjour. Bonjour, bonsoir. Il y a aussi la rediffusion à 19h et il y a même la rediffusion matinale dès 8h. Donc, comme quoi on peut le dire à toute heure finalement. Bienvenue, vous représentez l'antenne locale en partie d'Alarmphone, équipe on va dire stéphanoise, ligérienne, et Babacar qui nous vient du Sénégal. Et du Maroc. Ouais, donc qui représente à la fois antenne marocaine et sénégalaise. Oui. Ouais. Alors, tu es en France depuis quelques jours déjà ? Oui. Ok, tu fais un petit tour de France ? Oui, je fais un petit tour de France sur les 10 ans d'Alarmphone. C'est les 10 ans, en effet, d'Alarmphone. Alors, on aurait autant, d'ailleurs, évité de souhaiter, finalement, cette sorte d'anniversaire. 10 ans d'activité et ô combien encore d'actualité. Vous assurez une permanence téléphonique pour assurer... Eh bien, le contact pour les personnes en difficulté, en détresse, qui assurent des traversées, que ce soit en Méditerranée, mer Égée, Atlantique ou Manche, hein, finalement. On va évoquer, bien sûr, ce réseau et vos actualités, et puis revenir finalement sur comment tout cela s'est créé, comment cela s'est développé, l'actualité également du soutien. J'avais relayé une nouvelle campagne encore en fin d'année dernière, appel à dons, parce que c'est le principe. Alarmphone fonctionne essentiellement sur et grâce aux dons privés. Tout à fait. Et une organisation absolument indépendante. Vous nous expliquerez tout cela. Merci encore en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Ce sera le sujet principal, la partie entretien essentielle de ce programme. Quelques autres infos actues à donner et transmettre en ce début de semaine. Petite sélection faite que je vous proposerai en début de ce programme. Des mots des sons sensibles, c'est aussi l'actualité musicale. Alors une première proposition musicale avec nos découvertes partenariat Ferrarock chaque semaine, notre fédération nationale des radios associatives rock de France qui vous propose toujours double artiste album en partenariat hebdomadaire. Alors on va retrouver double proposition avec une artiste comme la semaine dernière qui nous vient via le label Irascible Records. C'est une artiste originaire de Suisse, Eino Salto, mais j'ai décidé pour ouvrir ce programme de nous arrêter sur l'autre proposition. Il s'agit du nouvel album de Myrth of Law, No More Typewriters, qui est sorti le 17 janvier dernier. C'est une autoproduction, c'est un groupe qui nous vient de Toulon. et que l'on va découvrir ensemble finalement, parce que c'est un groupe qui semble puiser dans les références et influences très 90s, années 90 donc, avec toujours ce risque de donner de multiples références. Alors ça va de Sonic Youth à Mogwai, ça va encore à Silver Juice ou Sebado. Je vais vous proposer de découvrir cela ensemble avec ce titre-là, On the Wire, Murder Flow, que je vous propose de découvrir dans ce programme des mots des sons sensibles. C'est parti. On sent bien en effet les influences lo-fi et noise rock pour ce groupe, je le disais, issu de la scène alternative toulonnaise. Il s'agit de Murtoff Low. On est comme ça entre indie, pop rock, entre dissonance et mélodie. L'album No More Typewriters qui est sorti le 17 janvier dernier. C'est une autoproduction, comme je vous le précisais, et c'est un partenariat. Et une découverte Ferrarock cette semaine aux côtés d'Eino Salto pour l'album Imagine People as Adolescent Birds qui est sorti lui aussi le 17 janvier dernier, cette fois via le label Irascible Records. Qui dit découverte et partenariat Ferrarock dit bien sûr présentation, diffusion et je concours habituellement sur les stations Ferra, ce qui ne sera pas le cas exceptionnellement cette semaine pour ces deux albums qui ne sont pas en jeu concours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'album à gagner, mais en tout cas présentation quotidienne, diffusion et programmation sur les stations Fera. Vous en saurez davantage en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers pour cette quatrième semaine de 2025. Ce sera bien sûr sur Dio ce vendredi à partir de midi, rediffusion à 19h et le lundi en matinale dès 8h. Vous retrouverez Eino Salto interviewé par Jordan de Radio Méga, Radio de Valence. Vous retrouverez Murt of Slow avec une interview réalisée par Marco et Nathalie de Radioactive à Saint-Brieuc dans la région bretonne. Et puis une petite carte blanche réalisée par Thibaut de RPG autour de l'artiste rap, si l'on peut dire, Vlad Dig Dig Diggers. Donc cette fin de semaine, vendredi, midi 19h sur 895. Quelques infos à vous proposer en ouverture de ce programme. Actualité autour de Gaza avec cette rencontre conférence-débat qui va se tenir ce soir, ce jour, ce lundi 20 janvier. Attention si vous chopez la rediff, avec la diffusion de ce film d'Emeric Caron, Gaza, depuis le 7 de octobre. Un film, nous dit-on, diffusé à l'Assemblée nationale française le 29 mai 2024. C'est un rêve ou une réalité, demande une petite fille abasourdie par ses blessures. C'est un cauchemar, sans aucun doute, et rien ne peut le justifier, ni les crimes du 7 octobre, ni la détention des otages israéliens par le Hamas. Condamner toutes les crimes du 7 octobre, d'avant et d'après, condamner l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, c'est le sens commun. Il semble cependant qu'il faille le préciser. Toute personne normalement constituée souhaite que les otages survivants puissent un jour retrouver leur famille et que s'arrête immédiatement le massacre à Gaza. Mais aller jusqu'au bout de la démarche, c'est voir les choses en face, voir ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, ce que fait l'armée israélienne, ce que ne montrent pas les chaînes de télévision. C'est ainsi qu'est résumé ce film documentaire réalisé donc l'année dernière par Emeric Caron, sorti le 29 mai 2024, en diffusion ce soir au Méliès Saint-François à Saint-Étienne. Une soirée conférence débat en présence de diverses associations dont je vais tenter de retrouver les présences. Il s'agira de l'association France-Palestine Solidarité, le CCFD Terre Solidaire, la Ligue des Droits de l'Homme et Solidarité Forêt Palestine. C'est ce soir à 20h au Méliès Saint-François. Une soirée bien sûr qui tombe à, je dirais, presque point nommé avec ce cessez-le-feu si fragile qui est intervenu hier et de première libération d'otages des deux parties de camp, je dirais, entre hier et aujourd'hui. Soirée débat donc ce soir à partir de 20h au Méliès Saint-François et d'autres soirées encore en perspective. Justement, un accord de cessez-le-feu et après, c'est une discussion ouverte qui est proposée par le comité BDS Synthé, boycott, désinvestissement, sanctions, qui propose un temps de discussion ouvert à toutes les organisations et personnes intéressées pour échanger sur la situation et les perspectives pour la solidarité internationale après l'annonce de ce cessez-le-feu. C'est une soirée et une discussion qui est proposé ce mardi 21 janvier à partir de 20h dans les locaux syndicaux qui sont situés au 20 rue des Cours à Saint-Étienne. D'autres événements en perspective autour d'ailleurs du conflit israélo-palestinien, c'est précisément et toujours BDS Saint-Étienne qui invite pour ses vœux de rentrée. Voilà, une soirée un peu particulière et spéciale. Ce jeudi 23 janvier à partir de 20h30, dans ses musiques palestiniennes, un quiz proposé, bref, une soirée aussi un peu plus festive et récréative, tout en étant informationnelle. En tout cas, l'occasion de passer peut-être un bon moment ce début d'année 2025. Ça se passera à l'Amical Lake de Tardy à l'invitation donc de BDS Synthé, soirée plutôt conviviale. Ça se passera ce jeudi 23 janvier à partir de 20h30. L'Amical Lake de Tardy étant situé, je le rappelle, quartier Tardy, bien sûr, au 86 rue Vaillant-Couturier à Saint-Étienne. Et puis, en autre rendez-vous prochain à venir, mais que vous pouvez d'ores et déjà noter sur vos agendas, c'est un week-end Palestine qui est organisé, Nos Voix pour l'Espoir. Ce sera les 1er et 2 février prochains à Saint-Étienne, avec projection, rencontre, repas, où il sera toujours question à la fois d'information et de résistance, les 1er et 2 février, à la fois à l'Amicale Ligue du Cred Rock et au Méliès Jean Jaurès. Le programme définitif est enfin tombé. On aura l'occasion de le rappeler, de revenir plus en détail sur cette programmation en invitant à nouveau les associations et organisations co-organisatrices de cet événement. Mais vous pouvez d'ores et déjà donc retenir ce rendez-vous Palestine des 1er et 2 février prochains. Et puis encore un peu plus loin dans le temps, mais ce sera le 13 février, le jeudi 13 février prochain. C'est une conférence qui est attendue à Saint-Étienne avec Stéphanie Latt-Abdallah qui documente depuis des années le conflit israélo-palestinien, le morcellement de la société palestinienne et le système d'incarcération massive qui est le pilier de la colonisation. Elle est anthropologue, historienne, politiste, chercheuse au CNRS, au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, de nombreux ouvrages et articles dont elle a pu rendre compte du dispositif de contrôle et de répression qui est exercé par Israël et depuis l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de Gaza et du Golan en 67. C'est une conférence le 13 février prochain qui se déroulera à l'Amicale Laïque Chaplon, ou l'annexe de l'Amicale située 8 rue Victor Duchamp à Saint-Étienne. D'autres infos et rendez-vous à noter pour ce début de semaine ou milieu de semaine. Nous avons reçu cette information aussi pour cette conférence débat avec la Coopérative des idées. La Coopérative des idées, c'est un projet commun des groupes d'action. La France Insoumise, Culture Université, la revue Dégénération, l'association Après la Révolution qui édite la revue du même nom et l'Université Populaire de la Jeunesse Communiste de la Loire. Alors c'est une soirée débat, conférence débat dans la grande salle de la Bourse du Travail de Saint-Étienne qui se tiendra ce mercredi autour de cet intitulé Travail, contrôle ouvrier et écologie avec Adrien Cornet, responsable CGT de la raffinerie de Grandpuy en Normandie, Alexis Cuquier qui est philosophe marxiste et Claire Touvenot qui justement est membre de la revue Après la Révolution. Alors ils ont présenté en annonçant ce rendez-vous une tribune unitaire qui a été signée par la CGT Total Énergie Grandpuy, les Soulèvements de la Terre, les Amis de la Terre France, Extinction Rébellion qui est intitulée « La lutte contre les licenciements dans l'industrie » est une lutte écologiste. Je vous en ferai part un peu plus tard dans les programmes de cette semaine et de demain en l'occurrence, mais en tout cas vous pouvez d'ores et déjà donc noter ce rendez-vous Travail, contrôle ouvrier et écologie ce mercredi 22 janvier à 18h. Conférence débat avec la Coopérative des idées, grande salle de la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Et puis en ce début d'année, vous savez, c'est un peu la tradition des vœux. Eh bien, Saint-Étienne Populaire, notamment, fera son pot d'amitié et des vœux 2025 en anticipant sur 2026. C'est un rendez-vous qui est proposé ce 24 janvier à l'Amicale Ligue du Cred Rock à partir de 19h30. Un événement qui marquera une étape importante pour ce mouvement Saint-Étienne Populaire qui existe déjà depuis quelques temps à Saint-Étienne et qui... à un peu plus d'un an des prochaines élections municipales, reste fidèle à sa démarche municipaliste et participative, tout en rassemblant, on va dire, toutes les forces de gauche autour de ce projet porté et décidé collectivement par les habitants, habitantes dans l'intérêt de la ville. Alors voilà pour ce pot d'amitié et de vœux municipaux. Finalement, ce 24 janvier, Amicale Ligue du Cred Rock, à partir de 19h30, avec Saint-Étienne Populaire, on parlera de l'actualité municipale, précisément dans une semaine, puisque ce sera lundi prochain, 25 janvier, que se tiendra le prochain conseil municipal, premier de cette année 2025. Puis une toute dernière info avec ce festival de l'apprendre qui débute ce jour, ce 20 janvier et toute cette semaine à Saint-Étienne. Le festival de l'apprendre, c'est un événement en France, mais qui est connu aussi dans le monde entier par et pour les célébrations qu'il organise autour de la Journée internationale de l'éducation qui se tient chaque 24 janvier. Alors l'année dernière, il y a eu 630 événements en présentiel ou en ligne qui ont accueilli 5 jours durant plus de 60 000 festivaliers de 191 pays et une mobilisation qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Nous avions relayé la première édition stéphanoise. C'était l'année dernière avec le CREAL notamment, le Centre de création et recherche en éducation, arts et langues, qui portait ou co-portait cet événement stéphanois. Le thème cette année est « Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète ». C'est un rendez-vous, finalement, événement qui explore finalement de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner au XXIe siècle. Alors cette deuxième édition à Saint-Étienne se tient à partir de ce jour jusqu'à ce 25 janvier, je le disais. 44 événements gratuits pour tous les âges, dont 14 lieux en ville sur ce plaisir d'apprendre. Alors je ne vais pas relayer l'ensemble du programme qui est assez dense et chargé, juste peut-être les rendez-vous du jour de cette première journée de cet événement en ce lundi 20 janvier. Le rendez-vous est la rencontre Saint-Étiche, rendez-vous franco-allemand avec le CREAL, justement c'est au café Le Remue-Méninges, c'est aujourd'hui lundi 20 janvier à partir de 18h, ou encore la découverte de l'univers des logiciels et de l'informatique libre avec Allolise, c'est également ce soir, c'est à partir de 19h pour une soirée informatique libre avec Allolise et ça se passera à la Bricoleuse qui est située 27 rue de la Ville à Saint-Étienne. Pour avoir toutes les infos et la programmation en détail, je vous invite à rejoindre le site internet Festival de l'apprendre. Saint-Étienne.fr, tout accroché en minuscule, festival de l'apprendre-saint-étienne.fr. Première salve d'infos dans ce programme des mots des sons sensibles, nouvelle pause musicale avant de retrouver notre sujet du jour, entretien avec Alam Forn. Je vous propose eh bien, de découvrir un événement concert, allez allons-y, avec ce concert qui est attendu ce 25 janvier, c'est une des toutes premières dates du côté de la salle Musiques Actuelles, la SMAC Le Fil à Saint-Étienne, qui accueille une belle soirée plutôt scène indé, rap et plus, avec le duo anti-héros Gwendoline, duo de la scène indé rennaise, et puis le duo Brunoir, qu'on avait largement défendu sur cette antenne, qui avait sorti il y a 2 ans de cela l'album 4-3, qui est emmené par Jean-Michel Pérez et Pascal Boisise. Et bien justement, on va retrouver le duo Brunoir avec ce titre-là qui me semblait bienvenu. Ça s'appelle Coup d'État, issu de ce dernier album. Brunoir et Gwendoline, ça le file ce samedi soir. C'est une date partenaire duo et nous avons des places à vous proposer. Ça se passe au bout du clic, un peu email à redac@radiodio.org. Fuck you, c'est un coup d'état. Brunoir est aux fraises, les deux bouffons ne viendront pas. 100 ans à eux deux au compteur, produits périmés, obsolescence programmée, date de péremption enfoncée. À quelle heure tu raccroches, pépère? Les pads encore appelés, t'es en retard. La sous-soupe est servie à 5h. Place à la jeunesse, les deux vieillards. Place aux gourdins dans les slibards. Ça se prend pour Mick Jagger, mais ça schlingue le Guy Béard. Vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux. Au PMU dans les années 80 avec leurs bananiers jaunis de gitane maïs, mais t'es la même vieille merde poulet. Morisset, c'est ton Johnny. Tu t'habilles pas en noir parce que t'es noir à l'intérieur. Boisis, tu t'habilles en noir parce que t'es gros. T'inquiète, à part ça t'as pas bougé, t'as juste flétri. Même coupe, même style, même t-shirt Stone Roses, t'as rien changé. Rien que ses poils dans les oreilles et le bide à bière qui dépasse de la veste. C'est pas avec tes nouvelles Converse jeunistes qu'on cache son dentier. Vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux. Pour te rappeler ta jeunesse de merde, tu parles d'une jeunesse sonique. Les enfants du rock sont gériatriques, toutes les smacks sentent la vieille couche. Moyenne d'âge senior, carte vermeille, pré-retraite, varice publique, de vieux bibliothécaires qui sentent le master dans la bouche. Les fonds de pantalon suinsointes, ça pogote Parkinson, ça chantouille Alzheimer. Je vais pas vous refaire le coup des frères Tandy. Euthanasie, papy. Euthanasie, mamie, c'est pas votre calvaire, c'est le nôtre qui devrait être fini. Vieux, vieux, vieux, vieux, vieux, vieux. un petite merde, petite salope. Tu sais à quel point je l'emmerde ta jeunesse. Zombie décérébré, rongé de pulsions, JTA. 1000 ans qu'il y a personne pour prendre la relève. On laissera la place aux suivants quand les suivants auront du talent. On n'a pas eu de public parce qu'on était trop grand pour lui. Vous n'aurez pas de public parce que vous resterez trop petit. Et voilà, c'est Bruit Noir, c'est Pires et Boisiz, qui peut avoir le don soit de séduire, soit d'agacer. C'est au choix. Mais voilà, Bruit Noir et Gwendoline seront en concert ce samedi soir, salle Le Fil, à Saint-Etienne. Et c'est tout de même un partenaire duo de ce début d'année. Oh. Il y a déjà des positions tranchées ici. Au micro, on retrouve Yvalet qui vient de s'exprimer ici avec grand bruit, noir ou blanc. Mathéo est avec nous, Paulin, Alice et Babacar. Re, salutations et re, bienvenue à vous. Cette table bien fournie pour nous parler d'Alarm Phone. Alarm Phone, une ONG qui existe depuis 10 ans, voire plus. J'ai vu les dates entre 15 ans, les premières actions peut-être 2009 en région de Grèce, mais bon, on va dire 10 ans aujourd'hui. Vous représentez les antennes, à la fois marocaines, sénégalaises, Babacar, qui est ici en France actuellement, et puis vous quatre qui représentez l'antenne en partie stéphanoise. Simplement, dans un premier temps, peut-être rappeler précisément ce qu'est Alarm Phone, dans quelles conditions, peut-être contexte. Ce réseau international, transnational s'est créé. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Moi c'est Babacar, je suis un membre, je suis un militant et membre d'Alarm Phone au Sénégal et au Maroc. Et Alarm Phone aussi c'est un réseau transnational qui est regroupé plus de 250 personnes qui sont au nord et au sud. En fait, si on se récapitule sur la création d'Alarm Phone, c'est un naufrage qui s'est passé en 2013 à Lampedusa et en 2014 on a pu créer Alarm Phone. Alors on dit que Alarm Phone actuellement est à 10 ans et ces 10 ans là ce sont un réseau qui se lutte pour une liberté de circulation, la criminalisation, l'externalisation, le régime des visas. En fait c'est pas seulement un numéro qui est en train de secourir les gens qui sont dans la détresse en mer, mais en même temps aussi c'est un réseau qui est en train de chercher aussi les familles des disparus, essayer de leur mettre en collectif pour une lutte de justice des familles des personnes disparues en mer ou bien dans le désert. Babacar, toi tu as rejoint Alarm Phone dès sa création, dès 2014? Non, j'ai pu rejoindre Alarm Phone en 2016 et c'est au Maroc, comme j'étais un militant qui luttait pour le droit des migrants au sud, particulièrement à la ville de Laayoune, et c'est à ce moment-là qu'un membre d'Alarm Phone m'a contacté pour que je puisse aussi rejoindre le réseau. Et depuis que je suis dans le, depuis que je suis dans le réseau, et j'ai pu aussi avoir la chance d'assister les meetings qu'on fait, parce qu'il y a des meetings qu'on fait chaque 6 mois, soit que ça c'est dans le nord ou bien dans le sud. Et quand c'est dans le nord, il n'y a pas les membres du sud qui n'ont pu avoir la chance de venir à cause du régime des visas, parce qu'on n'arrête pas de nous nous donner des visas pour qu'on puisse aussi avoir cette liberté de circulation de venir ici pour assister à les meetings d'Alarm Phone. Et en ce qui vous concerne ici à Saint-Thé, vous avez rejoint aussi ce réseau de quelle manière et depuis quand y êtes-vous peut-être engagé, investi? La création de l'équipe à Saint-Étienne, ça elle doit avoir à peu près 3 ans. Je dirais quelque chose comme ça. Et en fait, ça s'est créé parce qu'on était tous pour de différentes manières actifs dans la lutte contre les frontières de différentes manières dans nos vies et qu'on avait croisé en fait d'autres militants, camarades qui faisaient partie du réseau Alarm Phone. Et comme on savait qu'il pouvait toujours y avoir des besoins, notamment de personnes pour tenir les créneaux de permanence téléphonique, et qu'on a été un petit groupe qui se connaissions par ailleurs dans nos convictions politiques et dans notre envie continuer la lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation, à se dire qu'on a monté cette équipe. Et du coup, alors Alarm Fund, c'est pas une ONG, c'est vraiment un réseau d'activistes, et on partage la conviction de se battre pour la liberté de circulation. Et ensuite, on se fait former par des camarades de confiance qui font partie d'Alarm Fund, etc. Et du coup, il y a un processus de formation. Et après, petit à petit, la vie du réseau, elle se fait, comme a dit Babacar, aussi pendant les moments de meetings et de rencontres collectives qui ont lieu tous les 6 mois. Oui, mais ça me paraît important effectivement de préciser que c'est pas une ONG, c'est un réseau autogéré. Du coup, il n'y a pas des gens qui prennent des décisions. Enfin, c'est lors des réunions et qu'on décide ensemble du fonctionnement du réseau. Oui. Petit correctif alors, parce que j'ai annoncé ONG d'emblée tout à l'heure, donc on va faire le rectificatif. Un réseau donc, qui n'est pas qu'une ligne téléphonique, tu le disais Babacar. Néanmoins, c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut la repérer d'emblée, parce qu'il faut quand même le préciser, c'est un réseau qui opère à partir de différents points géographiques, je dirais, à la fois ici en Europe, mais aussi Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Alors justement, comment ce réseau arrive à fonctionner et à être en lien finalement en étant parfois de façon aussi éloignée, ce qui, j'imagine, ne doit pas toujours simplifier les choses, à la fois en termes de formation, de liens, de projets, de fonctionnement, hein, et peut-être de gouvernance, sans dire un vilain mot. Mais... En fait, comme tu as dit, hein, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais tout d'abord, à la Mofone, comme on le dit, c'est en famille. Et les gens qui sont dans le sud, ce sont les personnes qui sont dans le terrain et qui sont aussi dans les points de départ. Parce que quand tu prends, par exemple, la position géographique du Maroc, les membres d'Alarm Fund du Maroc, ils sont plus d'une soixantaine de personnes qui sont dans les différentes villes. Et ces villes-là aussi, c'est là où moi que je viens, qui est la Youn, et on a une équipe là-bas. Et cette équipe-là aussi fait le travail de terrain. Parce que quand on parle des permanences, des shifts, des lignes téléphoniques, mais il y a aussi une équipe de base. Ces équipes de base-là, ce sont les gens qui sont sur le terrain avec les outils d'Alarm Fund, particulièrement le numéro d'alarmophone, et qui sont partis voir les migrants qui voulaient prendre la route, la mer, essayer de les sensibiliser en leur parlant aussi, voilà un numéro, que si vous êtes en cas de détresse, c'est pas un réseau qui a eu des bateaux de secourisme, mais du moins que vous pouvez appeler ce numéro, parce qu'il y a une permanence qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 heures, et essayer d'appeler ces gens-là, et ces gens-là aussi pouvaient appeler les gardes-côtes qui sont en mer, parce que le droit de sauvetage, c'est un droit fondamental. Et nous, on fait la pression sur les autorités pour qu'ils puissent venir secourir ces personnes-là. Alors, c'est comme on les disait, c'est une famille aussi qui essaie de s'élargir, soit au Maroc, soit à la Mauritanie, soit aussi au Sénégal, parce qu'on a tout récemment créé Alarm Fund Dakar, Alarm Fund Mauritanie, et aussi on compte aussi élargir jusqu'à au Cameroun, ou bien en Guinée, ou bien au Mali, parce que toutes ces zones-là aussi sont des endroits qui sont des endroits que les personnes quittent pour aller passer vers d'autres pays, vers les pays de transit, jusqu'à ce qu'ils puissent venir ici en Europe. Alors nous aussi, en tant que les membres qui sont sur le terrain, on essaie toujours de chercher et de voir comment on pouvait travailler en coordination avec ces réseaux-là, et de partage d'informations et d'identité pour qu'on puisse aussi, ces personnes qui partent, quand ils partent dans les conditions vraiment sûres. Alors il y a un travail de coordination sur le continent africain, il y a un travail de coordination aussi en Europe, finalement, et un, je dirais, lien aussi un peu permanent entre toutes ces différentes antennes. C'est pas tant un travail de coordination, c'est vraiment un travail commun. On travaille ensemble. Il n'y a pas tant une séparation nord-sud. On n'effectue pas le même travail dans le réseau, mais il n'y a pas tant une séparation. Je veux dire, on est vraiment coordonnés tous ensemble pour faire le même travail, la même lutte pour la liberté de circulation. On est vraiment, on travaille ensemble vers un même but avec des tâches différentes, mais. Avec une ligne téléphonique, Babacar, tu le disais, parce qu'il faut préciser quand même que du coup, c'est un travail continu, permanent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, d'une ligne téléphonique qui est à disposition pour les personnes qui tentent aussi les traversées, qui peuvent être en difficulté et en détresse, et qu'il est possible de joindre. Donc en fait, il y a aussi ce système de permanence continue qui est assuré de partout, finalement. C'est aussi un des points principaux. Oui, en fait, ça, ce sont les points principaux, parce que quand on parle d'Alarm Fund, on le connaît sur la ligne téléphonique. Et cette ligne téléphonique-là aussi, qui détient par les membres, soit qui sont ici au nord, qui font les permanences, mais en même temps aussi avec les personnes du sud qui font aussi le shift support. Quand les gens ils sont en permanence, parfois aussi, il y a des cas qui s'arrivent et eux qui sont dans le nord, ou bien les gens qui sont dans la permanence, ils ne connaissent pas comment étudier à ces cas-là. Alors ils nous envoient tout le temps aussi des messages, parce que nous aussi, on est toujours liés avec les personnes qui sont en permanence pour en cas où il y a des questions ou bien il y a des décisions aussi à prendre, pour qu'on puisse essayer en échangeant pour voir la meilleure décision qu'on pouvait en prendre, parce que notre combat c'est de lutter pour la liberté de circulation. Et quand aussi les gens ils sont en détresse, il y a aussi là, on ne voit pas la position d'une liberté de circulation, mais du moins on décide pour que ces gens-là puissent être sauvés, pour qu'ils puissent être sains et saufs. Parce que quand les personnes sont dans les zones, soit que marocaines ou bien sénégalais, et ces moments-là, s'il y a des détresses, là, il faut qu'on puisse essayer d'intervenir. D'intervenir, c'est quoi? D'essayer d'appeler les gardes-côtes sénégalais ou bien marocains pour qu'ils puissent venir d'abord les aider, et après, ces gens aussi, essayer de regrouper encore une fois pour essayer de repartir. Mais en tout cas, le réseau est constitué à un numéro, mais après ce numéro-là aussi, il y a d'autres travail qui est aussi au-dessus de cette permanence. Alors les conditions de circulation, elles sont pas simples, elles sont même de plus en plus difficiles, j'imagine, parce que entre sécurisation, militarisation, ça ne simplifie pas justement la circulation, et même peuvent contraindre davantage les parcours aussi migratoires. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de sauvetages qu'en 2024, l'année dernière, et c'est le cas de façon, est monté en puissance depuis un ou deux, voire trois ans, enfin de façon régulière. Ce travail est assuré 365 jours sur 365. C'est plus de 8000 bateaux qui ont été secourus, des milliers de personnes. Alors, comment aussi, vous vous adaptez finalement aussi à ces conditions de plus en plus difficiles sur ces parcours aussi qui changent en permanence? On a vu de nouveaux points aussi de départ depuis le Sénégal, depuis la Mauritanie, le Liban et d'autres encore. À propos de ces départs qui sont nouveaux, et ça, tout ça aussi, c'est la politique de l'Union européenne. C'est la politique de l'externalisation, la militarisation et les régimes aussi de visa. Parce que les gens ne souhaitent pas prendre les risques en allant en mer ou bien aller dans le désert. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que dans leur pays d'origine, ils n'arrivent pas à avoir des visas. Parce que quand tu ailles dans les ambassades pour déposer les visas, d'abord on te fait un refus. Et l'argent même que tu payes pour avoir les visas, on te le rembourse pas. Alors il y a des milliers de personnes qui déposent des visas, qui font les études ou bien qui voulaient venir ici se soigner, ils n'arrivent pas à le faire. Et après ça aussi, ils n'arrivent pas aussi reprendre l'argent qui avait payé pour faire la demande de visa. Alors au Sénégal, si on a pu voir les départs massifs, parce qu'il y avait de la répression au niveau des instances politiques l'année dernière, parce qu'il y avait une révolution qui s'est passée, les jeunes étaient sur les rues en train de manifester. Par exemple, si tu vois le cas de Maroc, dans les départs se faisait au nord, mais depuis aussi la militarisation des autorités marocaines, la répression aussi des autorités marocaines, avec aussi l'aide de l'Union européenne qui est en train d'aider le Maroc sur la militarisation des frontières. Alors il y avait tout un rafle que les autorités marocaines avaient fait dans le nord, que les gens puissent aller dans le sud pour essayer de passer là-bas, parce que le Maroc c'est un pays de transit, la Mauritanie aussi c'est la même chose. Alors n'empêche que il y a la répression, mais toujours que les migrants en train de chercher des alternatives ou bien des contournements, essayer d'éviter ce qui les contrôles qui se passent au bord de la mer ou bien au fond de la mer, pour essayer aussi de continuer de passer. Ça veut dire que malgré tout ce qu'ils sont en train de subir, ils continuent toujours de prendre les routes qui sont plus dangereuses. Par exemple, au Maroc, c'était plus proche, mais maintenant, les gens aillent jusqu'au Sénégal. Tout récemment, il y a un bateau qui a quitté la Guinée-Bissau avec plus de 250 personnes en traversant toute l'Atlantique pour venir vers les îles Canaries. Ça veut dire qu'ils ont en train de pousser les migrants vers les routes les plus dangereuses. Mmh. Alors tout ça aussi, c'est la politique de l'Union européenne avec la complicité aussi de nos États. Parce que quand aussi on voit les Européens qui vivent en Afrique sans autant d'avoir de besoins d'un visa, et nous aussi quand on a voulu venir ici, on nous impose des visas, ça veut dire qu'on est dans un monde qui est deux phases, le monde des puissants et le monde des pauvres, et nous on fait partie de ce monde des pauvres là, et l'Europe aussi, c'est l'Afrique qui leur fait vivre avec l'esclavage, avec toutes les impositions qu'ils sont en train de nous imposer, et tout ça aussi avec l'impérialisme qui est en train de faire aussi dans nos pays. Ce sont les sociétés européennes qui sont en train de piller toutes nos ressources. Et ces gens-là n'ont plus à avoir la condition de vivre dans leur pays d'origine. Et ils pensent que venir ici, trouver un monde meilleur. Alors c'est ça qui court tous les risques de venir ici en Europe. Et malgré toutes les répressions, ils continuent aussi toujours à le faire parce qu'ils n'arrivent toujours pas à avoir une autre alternative. L'alternative pour eux, c'est toujours de risquer leur vie en passant par la mer ou bien en passant par le désert. On parle de la mer, mais il y a aussi des gens qui meurent aussi dans le désert, qui sont tellement nombreux, jusqu'à que parfois même on n'en parle pas. Et il faut que aussi les citoyens européens savent que ces personnes-là qui prennent la mer ou bien le désert, ce n'est pas leur volonté, c'est parce qu'on leur pousse à le faire, parce qu'ils n'ont pas avoir pu réussir à obtenir des visas, de venir facilement ici en Europe ou bien retourner. Parce qu'il y a un droit de rester, mais aussi il y a un droit de partir. Les Européens ont le droit de venir en Afrique, mais pourquoi pas les Africains n'ont pas le droit de venir ici en Europe. Alors tu parlais de répression, alors de ces routes en effet plus à la fois plus longues et plus dangereuses, répression que subissent en effet les personnes qui souhaitent circuler, qui souhaitent migrer, mais on le sait aussi, la répression eh bien, se focalise aussi sur les organisations justement d'aide et de solidarité. Les délits de solidarité, on connaît aussi ça. Est-ce que précisément c'est des risques, des pressions permanentes que pour exemple, Alarm Phone peut subir comme d'autres organisations de soutien et de solidarité? Oui, en fait, on en subit quand même en tant que des membres d'Alarm Phone. Par exemple, moi qui suis au Maroc en train de lutter pour la liberté de circulation, je subis cette répression. Et il y a aussi d'autres membres aussi qui subissent cette répression, mais on arrive. On n'a pas le choix parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est un droit. L'activisme, c'est un droit. La lutte, c'est un droit. Mais la liberté de circulation, qu'on lutte aussi, c'est un droit. Ça veut dire que on dit que non assistance à une personne en danger, c'est un délit. Mais maintenant, si aussi tu aides aussi la personne, maintenant c'est un délit. Ça veut dire qu'on est avec des personnes qui sont fortes en face de nous, en train aussi de nous interdire à aider à des personnes qui sont en danger. Et le droit de la mer, ça existe. Le droit de sauvetage aussi existe. Ça veut dire que ce sont les Européens, les politiciens qui nous imposent des lois, et ces lois-là aussi, ils nous criminalisent du fait que de ne pas aussi aider ces personnes-là. Et ce qu'on fait, on sait très bien que c'est de la répression, mais ça nous fasse pas peur, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait que c'est le droit d'aider, c'est le droit d'assister, et puis on le fait aussi avec des personnes qui sont solidaires, comme le réseau d'Alarm Phone, avec toutes ces équipes qui sont ici au nord, mais les gens aussi qui sont sur le terrain, qui sont dans le sud. Et alors justement, dans les actions d'Alarm Phone, il y a ce travail de secours, certes, mais il y a aussi ce gros travail finalement de collecte, de documentation aussi, de dénonciation de violations finalement des droits qui s'effectuent, que vous réalisez. Et alors là, justement, de quelle manière aussi vous travaillez sur cet axe-là aussi, pour exemple? Oui, en fait, on essaie de faire de nos mieux, d'essayer aussi d'aider, parce que quand aussi il y a des interceptions, il y a toujours aussi des boucs émissaires, des personnes qu'on arrête, on les accuse en tant que soit que des trafics humains. Alors ces gens-là aussi, ils ont besoin d'assistance. C'est pour cela que j'ai dit qu'Alarm Phone ne se focalise pas seulement sur le numéro, mais après aussi, il y a aussi d'autres travaux qu'on est en train de faire. Ça veut dire aussi aider des personnes qui sont arrêtées, mais en même temps aussi aider quand il y a des naufrages, parce que nous, on fait tout le temps les identifications des corps. Ces corps-là, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui ont des familles. Il faut qu'on essaie de chercher, de trouver leur famille. S'ils ont les moyens de repatrier ces corps-là, on repatrie ces corps dans leur pays d'origine. Mais s'ils n'ont pas aussi les moyens, essayez de nous donner la procuration pour qu'on puisse enterrer ces gens-là dignement. Alors, c'est pour cela que Alarm Phone aussi organise des commémorations, ces commémorations pour ces personnes, ces familles-là disparues, qui essayer de les mettre dans une collectif pour lutter, que justice soit faite, mais en même temps aussi de ne pas aussi oublier les personnes qui sont disparues, parce que aussi ce sont des humains qui ont aussi le droit d'identité. Oui, je voulais venir aussi à ce point, sur les commémorations ou commémorations que Alarm Phone organise, à la fois pour les personnes disparues, qu'on ne retrouve parfois pas, et puis celles qui sont mortes et que l'on peut parfois rapatrier. Et alors justement, je voulais aussi revenir sur ce point-là. Comment vous organisez aussi ces temps-là d'action et commémoration, justement? Les commémorations, on est en train même de préparer la commémoration qu'on a eu l'habitude de faire, c'est la commémoration du 6 février. C'est parce que c'est un massacre qui s'est déroulé à Tarakhal, entre Sipta et dans les frontières espagnoles, qu'il y avait des personnes que la Guardia civile avait tiré des barres réelles, que ces personnes-là ont perdu leur vie. Et c'est jusqu'à présent, il n'y a pas une justice qui est faite. Et nous, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est en train aussi de lutter pour que ces personnes-là aussi, pour que justice soit faite. Mmh. Et c'est pour cela que Alarmopon, chaque 6 février, organise une commémoration parallèle dans plus de 60 endroits différents, soit que ici au nord, soit que dans le sud, et appeler les familles, du moins que partager leur émotion, leur deuil, mais en même temps aussi faire des recommandations, crier aussi pour que justice soit faite, parce que ces personnes... Ils sont pas, parce qu'en général, nous, au Sénégal ou bien dans les pays de départ, les familles se responsabilisent en disant que peut-être que c'est eux qui ont pu faire leur fils voyager, et ils se responsabilisent. Et moi, je les dis tout le temps que la responsabilité, c'est pas vous. La responsabilité, c'est toujours c'est l'Europe et nos États. Alors, il faut que vous soyez fiers du fait que d'organiser des commémorations et demander de justice, pour que ces gens-là aussi soient reconnus. Alors, puisqu'on est sur ce point, est-ce que, par exemple, le 6 février, il y aura quelque chose peut-être de particulièrement spécialement prévu, peut-être ici même à Saint-Thé, par exemple ? Oui, comme l'année dernière, on va l'équipe de Saint-Étienne, on va organiser une commémoration le 6 février à 18h, Place du Peuple. Voilà, du coup, vous pouvez nous rejoindre pour penser à toutes les disparus et les proches des disparus aux frontières. L'info sera dans le numéro 0 et j'imagine sur Radio Dio. Ouais, tout à fait, on aura l'occasion d'ici le 6 février de rappeler ce rendez-vous. Alarm phone, hello. Hola. Salam alaikum. Allô, bonjour. Alarm phone, c'est Alarm phone. How are you, my friend? Comment estás, amigo? How many are you on can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Okay, can you, can you give me your GPS position? Chronique à mer. Chronique à mer. Chronique à mer. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarmphone. Combien de personnes êtes-vous sur le bateau? Can you hear me? What kind of boat are you on? How many are you on the boat? Keep calm. Keep as calm as you can. Okay, I call you back. Je vous rappelle. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent. Parce qu'en 2023, 3129 personnes sont mortes ou disparues en traversant. 260 personnes par mois. 782 personnes par semaine. Près de 9 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Un générique d'une émission, on en profite aussi pour le rappeler, dans cette mission d'information aussi finalement qu'Alarmphone assure, il y a Chronique à mer, cette émission mensuelle qui, alors Mathieu tu vas pouvoir peut-être préciser, est diffusée sur plusieurs stations, plusieurs antennes, dont sur le 895 de Dio, c'est le deuxième mercredi du mois que paraît je crois l'émission, mais pour une diffusion ici sur le 895 le troisième mercredi de chaque mois à partir de 13h, Chronique à mer. Ouais, du coup, Chronique amère, c'est un podcast mensuel qui est fait collectivement par des différents membres d'Alarmphone du Nord et du Sud, d'ailleurs, et qui c'est pour informer et à la fois sur notre travail d'Alarmphone, mais aussi sur cette politique meurtrière européenne d'externalisation des frontières. Et du coup, elle est coproduite par trois radios, dont Radio Dio, Canal Sud et Jet FM, et elle est diffusée maintenant sur beaucoup de radios que je ne pourrais même pas toutes les citer. Ouais. Mais elle est aussi disponible en podcast. Ouais, en podcast. Dont sur le site de Dio d'ailleurs, pour petit rappel. Et simplement aussi préciser, parce que cette émission vient aussi faire l'objet d'un, on va l'annoncer, Mathéo, d'un petit prix ou d'un prix, tout simplement. Mais là, tu peux aussi préciser les choses, puisque ce sera présenté à Brest lors du festival radio Longueur d'onde. Ouais, alors le prix, je ne sais pas si on va l'avoir, mais en tout cas, on est sélectionné pour le prix Petites Ondes du gros festival de radio Longueur d'onde à Brest. La catégorie Petites Ondes, c'est tous les podcasts et les émissions qui sont réalisées sans subvention. Voilà, du coup, on est sélectionné parmi plein d'autres podcasts et ce qui permet une écoute aussi parce que du coup, il y a un salon d'écoute pendant le festival. Ça veut dire que il y a des épisodes de Chronique Amère qui seront écoutés par plein de gens pendant le festival. Voilà, Chronique Amère, donc une émission de radio aussi pour Alarmphone. Alors juste peut-être revenir sur d'autres points d'actualité. Je crois qu'il y a un bouquin qui vient d'être publié aussi dans le cadre un petit peu de ces 10 ans d'activité. Est-ce que vous voulez peut-être le présenter ? J'ai vu que ça avait fait l'objet de soirées rencontres débats. Je ne sais pas si ça va être le cas ici localement, mais ça a été l'occasion donc de le présenter en ta présence, Babacar d'ailleurs, il y a quelques jours de ça. De quoi s'agit-il pour peut-être présenter ce bouquin ? C'est une sorte de recueil d'analyse, d'entretien, d'articles. Oui, bah c'est du coup effectivement. En fait, c'est Alarmphone publie un livre régulièrement depuis sa création, qui est en fait un recueil de témoignages, d'analyses politiques qui sont produits par les différentes voix qui font vivre Alarmphone. Du coup, il y a à la fois des militants du Sud qui racontent le boulot, des témoignages de permanence téléphonique, des analyses de situation, etc., pour expliquer un petit peu tout comment ce que traverse le réseau, ce que vit la lutte aux frontières, etc., quoi. Du coup, c'est plusieurs voix différentes, etc., et en fait c'est surtout un moyen de faire un peu connaître Alarmphone. Et effectivement, là, il a plutôt été diffusé dans différentes villes à l'occasion des 10 ans d'Alarmphone. Mais en fait, les 10 ans d'Alarmphone, c'est surtout l'occasion d'avoir des moments de discussion et de lutte politique, et notamment aussi en Europe, parce que là, j'avais envie de rebondir là par rapport à tout ce qu'a transmis et raconté là dans la lutte Babacar. C'est que vraiment un des boulots hyper importants à faire aussi à l'intérieur de l'Europe, c'est en fait de faire exister que c'est que la lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation, elle est primordiale, et que ce qui est présenté quand même dans le discours médiatique dominant, c'est toujours cette histoire de faire du sauvetage de pauvres personnes qu'on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont au milieu de la mer, et qu'en fait quand même c'est terrible, il faut les aider, ces pauvres personnes au milieu de la mer, et quand même les gens sont méchants s'ils les sauvent pas. Mais du coup, il n'y a plus du tout de fond et d'analyse politique de comment se sont créées les frontières de l'Europe, sur le racisme, l'accaparement des richesses, ou les gens, s'ils partent, c'est en fait à un moment donné, évidemment, que quand on peut prendre un avion et un visa et qu'on met pas sa vie en jeu, c'est comme ça que ça se passe. Et que du coup, ces moments aussi de commémoration, c'est effectivement de nommer les responsabilités politiques, les soirées d'événements des 10 ans d'Alarmphone, c'est justement pour faire exister ça et donner l'envie d'agir, parce qu'il y a plein de choses à faire aussi en Europe pour attaquer tout ce système qui produit tous ces morts, quoi. Oui, que les effets tragiques ne soient pas à masquer aussi les causes également. Alors justement, pour Alarmphone, quelles seraient peut-être aujourd'hui, au-delà du travail de secours et de permanence téléphonique, les priorités pour le réseau aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu un temps de rencontre finalement, c'était à l'automne dernier, il me semble, au Sénégal justement. Peut-être que ça a été l'occasion, justement, de cette rencontre, de cibler quelques axes et priorités à... En fait, les rencontres d'Alarmophone, ce sont des rencontres similaires. Ça veut dire que chaque 6 mois, il y a un événement qu'on se fait, soit que c'est dans le nord ou bien comme dans le sud. La dernière fois, les 10 ans d'Alarmophone, on a pu le faire organiser au Sénégal. Ça veut dire qu'essayer de rassembler tous les membres du réseau pour venir en discuter, parce que c'est le travail d'Alarmophone, l'avancement d'Alarmophone, l'avenir d'Alarmophone, c'est toujours dans les meetings qu'on en discute. Et c'est là-bas aussi qu'on prend les décisions, parce que c'est pas, Alarmophone n'est pas un réseau hiérarchique. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président, il n'y a pas de... Alors, on est tous dans les mêmes pieds d'égalité. Et c'est à ces endroits-là qu'on a pu parler et discuter et aussi voir la continuation de notre lutte. Et c'est aussi au Sénégal qu'on a pu aussi organiser ces 10 ans-là et faire aussi une commémoration aussi à Mbao. C'est là où moi, dans mon village. Et ça continue. Ça veut dire que notre combat, comme on le dit nous tous, le combat continue parce qu'on sait que ce n'est pas un combat qui va s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'on est en face avec des politiciens, on est en face des personnes qui ne disent pas la vérité. Parce que ce qu'on dit ici en Europe, ce n'est pas la vérité. Quand les gens prennent leur mère, c'est parce que ce n'est pas des pauvres personnes. Ce sont des gens qu'on a pu tuer chez eux. Et ils n'ont pas le choix de quitter leur pays pour venir parce qu'il n'y a personne qui a eu le choix. Quand tu as pu avoir tout ce que tu veux chez soi, tu ne pouvais pas... tu n'as pas un besoin d'aller voir ailleurs. Même si tu veux aller ailleurs, tu as un droit qui te le permet de le faire. Comme on disait que la liberté de circulation est un droit fondamental. Mais aussi ce qu'on parle ici en Europe sur les migrants qui viennent ici, moi je dis tout le temps que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Les gens-là, on les a tués chez eux, on les a pris tout ce qu'ils ont chez eux, et jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à avoir un bon avenir chez eux. Quand ils sont malades, ils ne pouvaient pas se soigner. Quand ils ont terminé les études, ils ne pouvaient pas travailler. Alors parce qu'il y a une sorte de politique, une sorte de dictature qui sont s'installer chez eux. Et pour avoir une vie meilleure, ils pensent que peut-être que venir ici en Europe et à l'armophone là et s'accompagnent des personnes. On les accompagne sur cette liberté de circulation. Nous, on n'est pas là pour demander quoi que ce soit. Ce qu'on demande, c'est juste que ces gens-là qui font, les gens qui se mouvent, ils ont le droit de se mouvementer. Ils ont le droit d'aller là où ils voulaient partir et revenir quand ils veulent. Alors notre combat, ce n'est pas un combat qui va finir du jour au lendemain, mais n'empêche qu'on va essayer de se renforcer, de se remobiliser et voir aussi comment les alternatives qu'on pouvait mettre en place pour du moins lutter pour les régimes de visa. Comme je disais tout à l'heure, l'Europe est en train de gagner des millions et des millions d'euros seulement sur les dépôts des visas. Parce que ce que tu payes sur les demandes de visa, actuellement ils l'ont augmenté, dans l'époque c'était 80 euros, 70 euros, il est allé jusqu'à 90 euros maintenant, et 120 euros parfois aussi sur les autres demandes. Et tout cet argent-là, si on te refuse ces visas-là, on ne te le rembourse pas. Alors ces personnes, il y a combien de gens qui déposent des visas par jour, il y a combien de gens qui déposent des visas par année, et tout cet argent-là récolté et encore venir, on l'amène ici en Europe pour encore faire leurs infrastructures. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, que c'est l'Afrique toujours qui continue de nourrir l'Europe, et il faut aussi la société européenne sache ça. La mobilisation, elle passe aussi par le soutien. Et justement, un rassemblement justement du réseau, comme il y a eu à l'automne dernier, ça demande des moyens. Et entre autres, au-delà des moyens humains que ça nécessite de faire fonctionner aussi un réseau comme Alarmphone, c'est aussi du soutien financier. On l'a dit en début de ce programme, c'est un réseau qui fonctionne essentiellement grâce aux dons privés, donc un réseau absolument indépendant. Et donc, il y a besoin de soutien permanent, je dirais, à la fois pour assurer le fonctionnement, assurer le coût aussi, notamment, et on revient à cette ligne téléphonique, mais qui a un coût important pour le réseau. Là aussi, une campagne de dons, finalement, je dirais un peu continue, et que l'on peut retrouver sur votre site dédié aussi, c'est alarmphone.org, pour ces dons qui sont toujours bienvenus pour le réseau. Et puis, en autre actualité, parce que le temps passe très vite, mais je crois que, Babacar, tu as un projet de maison des migrants à Laayoune. Tu veux nous en parler, le présenter? En fait, c'était un projet de la maison d'accueil de Laayoune. C'est une maison qu'on avait créée en 2015. Et au moment donné, c'était une maison qui accueille les migrants qui sont en cours de transit ou bien les migrants qui voulaient s'installer et ils n'ont pas encore trouvé des endroits à y être. Et on avait créé cette maison-là avec la communauté sénégalaise aussi qui sont bien s'installées au Maroc et particulièrement à Laayoune. On a pu faire ça et au moment donné, on a voulu l'acheter. Et il y avait aussi un cagnotte qu'on avait mis en ligne. Et je dis, alhamdoulilah, avec l'aide aussi des camarades du réseau, avec le partage, les soutiens, les dons, et on a pu aussi réaliser cette rêve d'avoir la somme qu'on cherchait. Actuellement, on attend juste que le propriétaire vienne avec aussi pour qu'on puisse établir cet achat. Peut-être qu'on aura aussi besoin des moyens des notaires, mais comme on n'a pas encore su et connaître combien que ça demande, c'est pour cela qu'on n'a pu pas en parler, mais du moins que pour à propos de la maison, c'est déjà quelque chose qui est réalisable quand même. Il me semble qu'il y avait eu des actions aussi de solidarité ou de soutien, non, même ici même, au projet, certes, dont tu viens de parler, Babacar, mais aussi à l'Armphone. Il y a eu une soirée fin d'année dernière, encore, il me semble, au Clapier, avec, un concert des Los Casos, non, qui était en soutien à l'Armphone. Est-ce qu'il y a, juste pour terminer, en termes d'agenda, peut-être entre guillemets, localement, est-ce qu'il y a quelques rendez-vous ou actions prévues? Le 6 février, du coup, il y aura sans doute une commémoration qu'on va annoncer sur les réseaux et sur le numéro zéro. Il y a peut-être une soirée pour les 10 ans aussi. Au printemps. Au printemps, pendant le festival de la Laverie aussi. Le festival de la Laverie, il y a une soirée qui est en train de se préparer, projection, discussion avec, co-organisée par la Laverie, avec Alamphone, SOS Méditerranée, des personnes qui sont sur le Louise Michel aussi. Du coup, là, il y aura une grosse soirée. Et que là, justement, il y a un autre camarade d'Alarmphone qu'on attend justement son visa pour qu'il puisse venir faire vivre aussi la soirée, quoi. Oui, au moins. Il va pas venir vivre là, mais... Être présent, en tout cas, présent, pouvoir intervenir sur cette soirée, dont on s'y rappellera la date. Ça sera au mois d'avril. Mi-avril. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait besoin de compléments et d'un mot de la fin, si besoin? Babacar, évidemment. En tout cas, moi, le mot de la fin, c'est de vous remercier, de vous dire encore une fois merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est un plaisir d'être parmi vous et d'être aussi avec mon équipe de préférence, l'équipe de Saint-Étienne. Et qu'on dise toujours que le combat continue. Voilà, on est là à faire des tournées sur les différentes villes aussi, parce que j'étais à Paris, et après Paris, c'est à Marseille, je suis venu ici à Saint-Étienne, et après Saint-Étienne, je vais aller à Dijon. D'accord. Voilà, juste pour les 10 ans d'Alarmphone, et après Dijon, je compte à me retourner à La Youn. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Merci, grand merci pour à toi. Merci Babacar aussi qui est venu nous donner un peu d'énergie là, dans l'équipe Saint-Étienne. La lutte continue. Oui. Ouais. Et moi, je voulais juste une petite info qui n'a rien à voir avec Alarmphone, mais il y a un détenu là, à la maison d'arrêt de la Talaudière, qui demande du soutien puisqu'il subit des pressions, des violences de la part de l'administration pénitentiaire. On en parle souvent sur Radio Dio des conditions de détention à la Talaudière. Du coup, je vous engage à aller sur le blog Info Prison Saint-Étienne. Il y a une demande de sa part de contacter la prison par téléphone, par mail, par courrier pour que ces violences elles s'arrêtent. Voilà. Merci du rappel. Merci encore à vous. Force et courage pour la suite. On va terminer, aller en douceur. On va partir du côté du Mali, plutôt, musicalement, avec Balaké Sissoko et Pierre Sfaccini, parce qu'ils vont sortir un album le 14 février prochain et via le label No Format. L'album s'appelle Our Calling, notre appel. Eh bien, je vous propose d'en découvrir un extrait, One Half of a Dream, Pierre Sfaccini et Balaké Sissoko, en guise de générique de fin de ce programme. Merci encore à vous. Ciao. Tout merci. Bon chez vous. Ciao, bye. Half of a dream. stay when your world isn't all that it seems. As we gathered the nets and we kept at bay, now the tide had come rolling, bearing what's left away. We took what we could, and if that's no relief, it takes one to know one to catch a thief. It should have been me, I said all along. There's no God in heaven that could get it this wrong. Let's run while we still can, but please don't object. I'll meet you in this world, see you.